quelle controverse ridicule. Je comprends que c'est pas élégant, regarde. Si on fait un concours d'élégance, là, les noms de bières, on se comprend-tu que ça arrive deuxième? La gigonne, la colonne, la tarte, je sais pas quoi, là, la niaiseuse, la petite crisse, la scie, la ça. Ouais. C'est des noms pour accrocher. C'est des noms et pour c'est surtout, vendre. C'est surtout de l'humour. C'est surtout très drôle, c'est surtout des chums. C'est qui, hey, comment on l'appelle notre bière? Oh, oh, oh, on se flatte la bédaine, on trouve ça drôle. Ben, gars, c'est essentiellement masculin, c'est colon, c'est caca, c'est niaiseux. Mais voilà-tu pas que dans le détour, la gang du Corsaire, qui est une micro-brasserie de Québec... De Lévis, pour être précis, se fait squeezer dans le détour par les féministes québécoises qui en ont fini avec les filles de médecine de Sherbrooke, là, qui voulaient sortir un... Regarde, ils ont gagné leur bataille, ils sortiront pas le calendrier. Fait que là, ils cherchaient une cause, ils ont pogné le Corsaire dans le détour. C'est sûr que c'était pas élégant, la catin qui se fait serrer les cheveux sur Facebook. Personnellement, je l'aurais pas mis. C'est pas criminel, c'était niaiseux. Mais voilà-tu pas qu'on a monté en épingle carrément un procès hier sur les ondes de Radio-Canada, Radio Tralala Québec, et j'ai organisé le portrait, ça n'a pas été trop long. En ligne, Martin Vaillancourt du Corsaire, comment ça va? Ça va pas bien, vous autres les gars? Comment ça s'est passé hier, l'entrevue? Tu t'es fait passer au cash, pas à peu près, non? Ben, ça n'a aucun bon sens. Mais ça vraiment, je sais pas comment ça que le monde a réussi à mal tourner des choses comme ça. Pour pervertir nos noms de bière, pour les utiliser à une fin que nous autres n'avons absolument rien à voir là-dedans. Tout le monde qui sont rendus à nous traiter de misogynes, de batteurs de femmes, de violeurs. On a reçu des mails de monde qui disent que nos enfants devraient se faire violer. Hein? Ah, je te jure, c'est sérieusement, par ça m'a fait à terre, là. Par qui? Ben, on a plein de monde, là. Je te dirais que la major, il y a pas mal de monde d'un petit peu partout. Des gars ou des filles qui t'écrivent ça? Ben, il y a surtout des filles. Il y a quelques gars au travers. Mais, c'est... Du monde qui t'écrivent, qui souhaite que tes enfants se fassent violer. Regarde. Hier, justement, sur notre thread d'excuses, il y a une fille, sur le Facebook, qui a été mis une affaire comme de la dynamite, c'est facile à trouver, boum, le Corsaire. Ça, ça a été envoyé à SQ direct, là. Mais c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Gars, Martin, reste là. On va faire entendre l'extrait pour mettre en contexte. On l'a fait jouer un petit peu plus tôt ce matin. Voici un extrait du reportage de Radio Tralala hier. Le nom de la bière soulève aussi l'indignation des internautes. Elle s'appelle la petite pute, décrite comme une blonde facile, légère et fruitée. Cette bière, qui a été produite en octobre, a été vendue uniquement dans la brasserie. La production est écoulée. Parce qu'elle va plus ressembler à une bière commerciale. C'est ça qu'on l'avait appelée la petite pute, parce qu'on se rapproche des bières commerciales. T'sais, on va faire la pute un peu. Hein. C'est une expression, là. C'est pas tourné à l'intention des femmes. Là. Il y a quand même une culture dans l'entreprise, une culture dans la gang d'amis autour de ça. Ils ont quand même une bière qui s'appelle la Perruche, qui est illustrée par une femme nue en cage. Le Conseil du statut de la femme dénonce ce qu'il qualifie d'une banalisation de la violence faite aux femmes. Le nom de la petite pute me révolte dans la mesure où c'est une forme d'exploitation des femmes extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de choix là-dedans. Il y a beaucoup d'exploitation, beaucoup de violence. Alors, on ne peut pas rire de telles choses. C'est interdit, as-tu compris? On peut pas rire. Ben non, mais c'est clair. Mais moi, parce que cette histoire-là est comme en deux parties. T'as l'histoire de la Barbie puis t'as l'histoire du nom. L'histoire de Barbie, ça, c'est une affaire louche, là. En tout cas, je cautionne pas ça pantoute, moi et tout, je trouvais ça vraiment douteux. Mais c'est quelque chose, je pense, qui a été mis là, qui a été publié dans notre site, je pense, dans le mois d'octobre, quelque chose. Ça a été déterré cette semaine pour absolument aucune idée. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il fasse la recherche en six bols. Mais ça, en tout cas, ça, j'ai trouvé très louche. L'employé, mettons, qu'est-ce que je pensais de ça, là. Mais elle, là, la madame, là, du Conseil du statut de la femme, là, la petite pute, elle aime pas ça, là. Miville de Chêne, elle aime pas ça, la petite pute, là. Mais c'est parce que quand tu regardes, même au niveau des bières de microbrasserie, je peux y aller à microbrasserie, mais je peux y aller à l'international aussi. T'en as vraiment, c'est pas si pire que ça, là. Vas-y donc des noms, des exemples. J'en ai de mon côté, mais t'en as-tu de ton côté? Ben, j'ai la vapeur cochonne, je pense, on en a même une avec, par rapport au gars, c'était le gros cochon, je pense, qui avait sorti. Tu sais, il y a de tout okay. dans ça. Ouais, gros cochon, c'est correct. Tu sais, un gros cas, gros cochon, gros colon. Ben, c'est justement pour ça, je m'en pondre une nouvelle, une bière. Tu sais, les gars, j'aime ça faire des recettes de bière, anyway. C'est quoi, t'as le nom? Ça va être quoi? C'est un porter. Fait que j'essaie de trouver quelque chose, parce que les bières, c'est tout féminin. J'essaie de trouver un style qui était masculin. Ben, porter, c'est masculin. Fait que ça va être le porter du gros cave. Fait que j'espère que Jeff Mercier s'en dira pas. Non, mais de toute façon, tu sais qu'il n'y a pas de conseil de statut de l'homme. Non, c'est ça. Tu vas être correct. Puis en plus, ce terme-là, la petite pute, c'était pas... c'était pas tourné au contre les prostituées ou n'importe quoi. Ça n'est pas rapport aux femmes. C'est quand le monde disait, il me fallait une petite blonde, une petite bière blonde facile, facile à boire, légère, effrutée, compagnie. Qui se compare bon, à une bière commerciale. Ben, c'est ça. Ça ressemblait à une bière commerciale. Les gars me disaient, ah, ben là, vous commencez à faire la pute. Ben, en tout cas, on va l'appeler de même. Ça va être drôle. Tu sais, je donne d'autres exemples. Ça fait partie de la culture des microbrasseries. La Voix Maltée, par exemple, je porte parole pour eux autres. Je te donne des exemples. La polissonne, la courtisane, la gigonne. La gigonne, là, ça veut dire une petite niaiseuse. Ben, ils ont le, c'est pas grave, ça. Les gars de la Voix Maltée, ils ont la soutien-gorge. Ben oui. On les saints! Personne qui a brûlé ses brassières pour ça, là. Ben non. Tu sais, j'ai l'impression que t'as été mal compris, mais à quelque part, je pense qu'on voulait te brûler en effigie, puis c'est son Ah, t'as servi d'exemple. Moi, je trouve ça même ridicule que t'aies à nous expliquer que tu voulais pas rire des prostituées qui sont forcées, tu comprends? C'est comme... C'est quel imbécile qui irait sortir une affaire comme « Oui, on est pour la violence faite aux femmes, puis on est pour... » Voyons, ça n'a aucun bon sens. Il faudrait être crétin en bas d'or. De toute façon, ceux qui nous connaissent notre entreprise, savent qu'on est super gros impliqués dans la communauté. Ils savent qu'on est qu'on participe à plein de causes. T'sais, on a une gang de filles, un club de vélo de montagne qu'on commandite, puis c'est un club féminin. Puis, tu sais, il n'y a pas de personne de misogyne en place là, qui est déplacée avec les femmes et tout. Ça a aucun... C'est pathétique de penser ça. C'est pas nous connaître, c'est du monde de toute façon qui ne nous ont jamais rencontrés, qui n'ont jamais demandé notre opinion. C'est pour ça que j'aimerais ça inviter les deux dames qui nous ont mentionné, Mme Miville Deschênes puis Mme Elisabeth Germain, ben à venir faire un tour, puis à venir prendre une bière, puis la prochaine bière qu'on va brasser, ils la baptiseront, ça va me faire plaisir. Oh! Un beau défi! Ben oui. Un beau défi. Comme ça, ils vont voir c'est quoi, ils vont voir quel genre de place qu'on a aussi. La pinche! La pinche doux. Fais attention, tu peux te retrouver avec des noms bizarres, là. La pinche doux, là. Hey, on en a eu des noms bizarres de bière, là. La mâle soumis. Ça serait bon, ça. On a eu la verge d'or sur les pompes. Oh boy. Bon, mais ça, c'est bon, ça. C'était drôle, là. Mais c'est drôle. Il y en a pas eu de mâles qui a la petite verge qui sont insultés de ça, là. La Manon. Manon Massé. La Manon. Fais-tu game? Mais tu sais, c'est des noms de bière. T'es évité. Là, tu me réponds pas, Martin. Sur le marché. Il y en a qui pensaient que c'était une nouvelle bière qu'on mettait sur le marché. Martin, oui. La Manon Massé, t'es-tu gagné? Une bière un peu corsée qui laisse un goût âcre. Hey, merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir. Salut, salut. Hey, félicitations encore, vous autres, pour les résultats. Hein. Ben oui, bravo. Ben, merci. Sérieux, chapeau, les gars. Et félicitations à vous autres pour vos nouvelles installations. C'est super. Moi, je suis un client de temps en temps de votre microbrasserie. Je n'avais pas été trop insulté, là. Ça avait bien été. D'ailleurs, elle était bonne, la petite pute. Je m'excuse. Ben, il se magasine des bouteilles gratis, là. Il faut que tu vides tes inventaires. On s'en jasera. OK, c'est bon. OK, salut, bye-bye. Salut. La Manon Massé, j'aime ça. Sors donc le thème, moi. Genre, je vais faire un petit pub de bière en ondes. Une bière fictive, là, ça n'existe pas. Mais regarde, j'ai lancé un défi. Une bière d'été, une bière rafraîchissante, une bière légère, une bière douce au goût, qui laisse, ma foi, un petit goût un peu âcre. Buvez-la, Manon Massé. Et je vous le dis, vous allez être ragaillardis. Vous êtes dans Morin Live. Manon Massé.